qui nous dit tant de choses. Affection et tendresse, bonté, pitié, désir. Ce faible sentiment sur lequel tout repose. Bonheur, chagrin, espérance, sentirise, plaisir. Dans la parole, la nuit, l'encre, aussi riche, aussi dense, aussi doux, aussi calme, et aussi généreux, bref, un mot aussi beau, me paraît impossible de le voir, de l'entendre. Et dans toutes les langues, c'est pareil, je suppose, il est le mot magique qui a embrassé les cœurs, qui inspire la joie, fait voir la vie à cause, en dominant de haut l'échelle des valeurs.